temps d'être admis à exercer la médecine. Je promets, je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. Et telles sont la première et la dernière phrase du serment d'Hippocrate, traditionnellement prononcé par toute personne s'engageant à pratiquer la médecine. Un texte qui a pour vocation de poser les fondations d'une pratique éthique et qui a par ailleurs évolué depuis le texte original prêté à Hippocrate au 4e siècle avant notre ère. Mais qui était cet Hippocrate? Pourquoi ce serment? Et comment a-t-il façonné l'image d'une certaine pratique de la médecine? Hippocrate, l'homme derrière le serment, c'est le programme médical qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous raconter cette histoire et les fondements de la conception classique de la médecine, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Véronique Boudon-Milot. Bonjour. Bonjour Nicolas Martin. Vous êtes directrice de recherche CNRS, philologue spécialiste de l'histoire de la médecine et enseignante à l'École normale supérieure. Et Vivien Longhi, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en grec à l'Université de Lille et agrégé de lettres classiques, mais on commence par l'actualité scientifique la plus brûlante, et c'est comme chaque jour avec le Journal des sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue aujourd'hui dans Nature Communications. En Antarctique, l'océan se réchauffe rapidement en profondeur. Et c'est l'analyse la plus complète à ce jour sur l'évolution des températures de l'océan austral. Une équipe française, dont des chercheurs du CNRS, du CNES et de l'IRD, ont analysé 25 années de données. Des mesures qui ont été prises grâce à l'Astrolabe, un navire français que vous connaissez bien, Nicolas. Un peu. Alors, vous savez que plusieurs fois par an, plusieurs fois par an, l'Astrolabe mesure la chaleur de l'océan austral du nord au sud et jusqu'à 800 mètres de profondeur. Selon cette étude, les eaux en surface se refroidissent légèrement, mais les eaux en profondeur, elles, se réchauffent très rapidement. La température de ces eaux profondes subpolaires souterraines augmente de 0,04 degrés tous les 10 ans. Des eaux chaudes qui remontent à la surface 3 à 10 fois plus vite que les estimations précédentes. Ce réchauffement a été considérablement sous-estimé, je cite, ce sont des changements comparables à ceux que l'on observe dans l'Antarctique occidentale. Cela ne sera pas sans conséquence sur la future perte de masse de la calotte glaciaire. Et on retrouve cette étude sur l'Antarctique. Et éventuellement, si vous voulez vous rafraîchir un peu les oreilles, le documentaire en étant en Antarctique, où vous pourrez visiter en ma compagnie ce fameux Astrolabe. Eh bien, tout ça, c'est sur notre fil Twitter, @lamethodefc, ainsi que sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue hier dans The Lancet Planetary Health, à Paris, la pollution automobile provoque plus de 2500 décès prématurés par an. Paris, capitale de la pollution de l'air, presque. Pour cette étude, différentes institutions européennes ont examiné 1000 villes d'Europe et leurs données sur la surmortalité due à la pollution de l'air, à l'exposition aux particules fines et à celle au dioxyde d'azote. À Paris, on compte donc 2500 décès prématurés par an. C'est 7% de la mortalité totale. En matière de prémortalité due à la pollution automobile, Paris est la 4e ville d'Europe, derrière Madrid, Anvers et Turin. Et si nous respections les normes et les niveaux de pollution de l'air recommandés par l'Organisation mondiale de la santé, il serait possible d'éviter 50 000 morts en Europe. Ce matin, sur le campus de Paris-Saclay, Emmanuel Macron a annoncé le plan quantique, un plan de 1,8 milliard d'euros sur 5 ans. Oui, cela représente environ 200 millions par an de dépenses pour la recherche et les technologies quantiques. Alors dans le détail, les crédits publics sont aussi assurés par les organismes affiliés, le CNRS, le CEA et l'INRIA. L'enveloppe est également portée par le secteur privé et par des crédits européens. Une grande partie de cette somme sera investie dans des ordinateurs plus puissants, des simulateurs, des ordinateurs quantiques ou partiellement quantiques, mais aussi dans la cryptographie post-quantique, dans la communication quantique et dans des technologies annexes. Et enfin, selon une étude parue dans Biology Letters, chez certaines mantes religieuses, les mâles ont développé une stratégie pour ne pas se faire manger par leurs partenaires. Chez ces insectes, le cannibalisme sexuel est très courant, puisque les femelles n'ont pas besoin des mâles pour se reproduire et qu'elles préfèrent donc les manger. En laboratoire, des chercheurs de Nouvelle-Zélande ont observé pendant 24 heures les ébats de 52 couples de springbok, une espèce de mante religieuse. Alors chez d'autres espèces, le mâle tente des diversions ou tente de se faufiler par l'arrière. Le mâle springbok, lui, a développé une autre tactique d'accouplement et de survie. Il se lance dans une lutte violente. Les chercheurs ont découvert que ceux qui remportaient la bagarre avaient plus de chances de s'accoupler sans se faire manger. Voilà, une expérience à ne pas reproduire chez vous. Merci beaucoup, Natacha. Et on vous retrouve demain pour le Journal des Sciences de la semaine. Je jure par Apollon, médecin, par Asclépios, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai suivant mes forces et mes capacités le serment et l'engagement suivant. Voilà pour le texte original qui a été, comme vous l'avez entendu par rapport à la version que je vous ai donnée tout à l'heure, revue et mis à jour, parce que bon, disons qu'évidemment juré en 2021 sur le Panthéon grec, ça ferait un peu, on va dire, iconoclaste pour le dire poliment. Ce qui est intéressant en tout cas avec le serment d'Hippocrate, c'est que l'on en retient avant tout un principe, le fameux primum non nocere, c'est-à-dire avant tout ne pas nuire, qui pourtant ne figure pas en tant que tel et en ces termes dans le texte original, dont on ne sait d'ailleurs pas exactement s'il a bien été rédigé par Hippocrate lui-même. Parce qu'il en va ainsi d'Hippocrate, qu'il est en réalité plus une forme de légende, un nom appliqué à un corpus de textes disparates, qu'une personnalité symbolique appliquée à une conception de la médecine très largement rétrospective, comme nous allons tâcher de vous l'expliquer aujourd'hui. Et tenez, pour commencer, un mot sur Hippocrate et sur un remède universel, surtout lorsqu'il est consommé avec modération. En Grèce, le vin était admis dans la médecine dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, et ceci n'a rien d'étonnant, la civilisation grecque, à cette époque, marquant le pas sur toutes les autres. Hippocrate reconnaissait les propriétés thérapeutiques du vin. Il en parle dans le livre de l'air, du pays et des eaux. « Vous reconnaîtrez, dit-il, ceux qui ont le cerveau faible, à ce qu'ils ne sont pas buveurs. À peine ont-ils bu du vin que la tête leur tourne, ils sont contraints de rendre ces dons à Bacchus, leur estomac n'étant pas digne de les recevoir et de les garder. Ils classaient les vins selon leur couleur, leur saveur, leur odeur et leur consistance. C'est ainsi que, d'après lui, le vin blanc convient aux personnes âgées ou à celles qui mènent une vie oiseuse et peu active. Les vins blancs, disait-il, facilitent la digestion et sont plus doux au foie. Quant aux rouges, ils ne conviennent qu'aux laboureurs et aux gens qui s'adonnent aux travaux grossiers. Voilà, il aura donc fallu attendre le 21 janvier 2021 pour que je comprenne pourquoi je préfère le vin blanc. Est-ce que une réaction à cette conception, disons, du vin médicinal selon Hippocrate, telle qu'elle vient d'être décrite dans cette archive, Véronique Boudon-Milo ? Eh bien, écoutez, le vin, c'est une boisson. Et les boissons, comme les aliments, sont effectivement au centre de la pharmacopée hippocratique, puisque Hippocrate, si c'est lui, puisque vous y avez fait allusion, mais en tout cas, dans un des traités qui est mis sous son nom, explique bien que la médecine a été inventée au départ parce que les hommes s'étaient rendus compte que les mêmes aliments, les mêmes boissons, ne convenaient pas toujours et à tout moment à toute personne. Et c'est en partant de cette observation, car les médecins hippocratiques sont de grands observateurs, qu'ils ont proposé un système qui est le début de la médecine, c'est-à-dire un régime de vie au sens large, qui soit adapté à chaque individu selon, pourrait-on dire, sa constitution. Et le vin, effectivement, va entrer dans ce régime, dans cette alimentation, dans ces boissons, mais aussi ces exercices, cette hygiène de vie, pourrait-on dire, et va occuper une grande place, le vin, oui, bien sûr, parce que on va l'incorporer dans beaucoup de préparations. Et finalement, c'était bien moins dangereux, sans doute, de boire du vin que de boire de l'eau dans l'Antiquité, qui n'avait pas un système d'assainissement sans doute très au point. Bien sûr. Et effectivement, ce vin avait aussi la particularité de faire réfléchir les Grecs, et ça, Platon le fera après Hippocrate, sur les liens entretenus entre le corps et l'âme, puisque quand on boit du vin, non pas on perd son âme, mais on perd quand même un peu la tête. Voilà. Oui, il faut préciser que Platon et Hippocrate bien sont de la même époque, sont concomitants sur la chronologie et sur la frise historique. Un mot peut-être, Vivien Longhi, à propos de cette archive? Oui, tout à fait. Alors, c'est très intéressant de constater, d'ailleurs, qu'Hippocrate non seulement prescrit en effet régulièrement le vin, mais le prescrit aussi abondamment aux femmes, et y compris aux femmes enceintes, aux femmes qui ont différents problèmes gynécologiques. Et ça, c'est un constat qui a été fait par plusieurs chercheurs qui se sont demandé pourquoi Hippocrate prescrivait tant de vin aux femmes. Donc là, on voit qu'il y a un grand écart qui s'est creusé entre la modernité et la médecine antique. Donc ça, c'est une première remarque. Et puis, une deuxième remarque, en effet, on voit bien dans cette archive sonore à quel point le médecin peut être attentif aux différentes constitutions des malades, aux différences corporelles entre les différents patients, avec donc cet échantillonnage des vins selon la nature de ceux à qui il doit être prescrit. On va voir que l'environnement est une donnée essentielle dans la médecine hippocratique, l'attention à l'environnement, à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'hygiène de vie au sens le plus large, qui est quelque chose d'assez révolutionnaire pour l'époque. Alors, j'aurais deux questions en forme de préambule. La première serait, est-il légitime aujourd'hui d'attribuer à Hippocrate la naissance de la médecine telle qu'on l'entend aujourd'hui? Et la deuxième question, comment expliquer que ce serment ait traversé les siècles, les millénaires même, pour subsister aujourd'hui comme symbole dans le passage justement à l'activité médicale? Véronique Boudon-Milot. Eh bien, effectivement, Hippocrate, c'est le père de la médecine occidentale, en tout cas occidentale. Alors, ce qui est important de le préciser. Oui. Et on pourrait objecter qu'il y avait une médecine avant Hippocrate, il y avait une médecine égyptienne en particulier. Mais la grande différence entre le corpus hippocratique et la médecine égyptienne, c'est que la médecine égyptienne nous a transmis pour l'essentiel des recettes. Des recettes, si vous avez mal là, et bien utilisez ceci, etc. Alors que le corpus hippocratique, c'est une réflexion sur la médecine, sur ses moyens, sur ses méthodes, et c'est la première définition que l'on trouve de la médecine en tant qu'art. Et en réfléchissant sur son art, le médecin hippocratique va en édicter les lois et va donc proposer un ensemble de méthodes, de principes, qui sont en particulier édictés dans le serment, avec une grande dimension éthique qui fait sans doute la pérennité de ce serment, puisque le patient est pris en compte et dans toutes ses dimensions est respecté et écouté. Et ce précepte qui va guider toute cette médecine hippocratique que vous avez rappelé pour commencer, être utile, c'est le premier devoir du médecin, être utile, et s'il ne peut pas être utile, du moins ne pas nuire. Voilà, je crois, le secret, si je puis dire, du serment. Vivien Longhi. Oui, tout à fait. Cette réflexivité d'Hippocrate sur son propre art est tout à fait remarquable à la lecture des différents traités. Et puis, un autre élément qui est intéressant, c'est qu'Hippocrate met en place un certain nombre de pratiques thérapeutiques qui seront aussi reprises au moment de la naissance de la clinique occidentale, hein, notamment une attention particulière aux signes cliniques, un goût très prononcé pour l'observation. Et donc ces éléments font qu'Hippocrate est le père de la médecine aussi, parce qu'il est, comme l'a dit Véronique Boudon-Milot, il est le père de notre médecine clinique d'une certaine manière. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été décrit, exactement. Et alors, pour ce qui est de la permanence du serment, hein, de ce monument d'éthique médicale qui en effet traverse les siècles, un point important aussi est sans doute le rôle des Romains, hein, de la culture latine dans la transmission d'Hippocrate. Et un médecin comme Galien, qui a exercé à Rome une grande partie de sa carrière, cherche dans Hippocrate un modèle. Alors ça, on y reviendra sans doute plus tard, mais ça constitue aussi une des explications de la pérennité de la médecine hippocratique. Sur beaucoup de domaines, les Latins ont eu besoin de recourir à des modèles grecs. Et donc Hippocrate a été ce modèle grec. Voilà. les Latins, et puis on verra plus tard aussi que le début de la modernité a revalorisé Hippocrate, certainement pour des raisons qu'on pourra expliquer tout à l'heure. Véronique Boudon-Milot, un mot sur la permanence de ce serment, et d'ailleurs a-t-il vraiment été permanent, c'est-à-dire est-ce que tous les médecins de tout temps, au Moyen-Âge, à la Renaissance, et puis aujourd'hui jusqu'à l'ère industrielle et à la contemporanéité, ont toujours prêté le serment d'Hippocrate, ou est-ce que c'est une réeffectuation tardive? Alors, sous différentes formes, certainement. Il y a eu, même après le serment païen, il y a eu un serment chrétien, assez vite, où on a remplacé les dieux du Panthéon par une référence donc aux dieux chrétiens. Mais il faut revenir à l'origine du serment pour comprendre ce qu'il est devenu après. À l'origine, c'est vraiment un contrat. C'est un contrat qui est passé entre le maître qui va enseigner la médecine à un étudiant qui vient auprès de lui pour étudier cet art-là, qu'est l'art médical. Parce qu'au début, comme Galien nous le dit et comme on le constate en lisant Hippocrate, la médecine était cantonnée à un cercle étroit qui est celui des Asclépiades, c'est-à-dire de cette grande famille dont est issu Hippocrate, grande famille qui se veut descendante en ligne directe d'Asclépios, donc les Asclépiades, et donc d'Apollon. Et donc d'Apollon. Oui. Il y a une double. Alors d'Asclépios, Apollon, c'est une autre branche. Mais donc Hippocrate se revendique de cette ascendance divine issue d'Asclépios. Et au départ, l'art de la médecine est enseigné de père en fils à l'intérieur de cette famille. Et puis déjà à l'époque d'Hippocrate, le recrutement n'est plus suffisant, il faut recruter en dehors de ce cercle familial, et on va passer contrat avec des jeunes gens qui viennent auprès d'un maître apprendre, auprès d'Hippocrate et de ses disciples, apprendre la médecine. Et il est bien précisé dans le contrat ce à quoi s'oblige le maître et l'élève. L'élève devant prêter aussi assistance à son maître si celui-ci vient à être dans le besoin. Donc voilà pour le début du serment. Et puis ensuite, les règles édictées dans ce serment vont bien sûr évoluer. Il y a des interdictions. Par exemple, on n'avait pas le droit dans le serment originel de donner d'abortifs. Bon, bah, évidemment, l'avortement, la défense liée à l'avortement, ce sont des choses qui ont été insérées au cours de l'histoire du serment. Mais il a été prêté très tôt, donc, dans l'Antiquité. Ensuite, à l'ère chrétienne, on en a donné une formulation chrétienne, et il s'est transmis aussi dans les universités de médecine, les facultés de médecine, pendant tout le Moyen-Âge et la Renaissance, où on continuait d'enseigner la médecine à l'aide des écrits d'Hippocrate et de Galien, dont il a été déjà question. Voilà. Et dont il sera question à nouveau, parce qu'il est évidemment difficile de parler d'Hippocrate sans parler de Galien. Je vous précise d'ailleurs, et on va vous mettre le lien sur notre fil Twitter, que nous avions déjà consacré une heure entière à Galien. Donc on va l'évoquer tout à l'heure, parce que c'est intéressant de comprendre pourquoi finalement cette image de père de la médecine occidentale a été dévolue à Hippocrate et pas tant à Galien. On en rediscutera au long de cette heure, et on va continuer à essayer de comprendre qui était ce fameux Hippocrate, quel est l'homme en quelque sorte, non pas seulement derrière le serment, mais aussi derrière la légende. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous parlons donc d'Hippocrate tout au long de cette heure en compagnie de Véronique Boudon-Milot et Vivien Longhi. Alors, Hippocrate, contrairement à Galien d'ailleurs, on peut faire le rapprochement, puisque Galien, on sait exactement qui il était, on a des traces de son existence physique, on le connaît, sa vie a été racontée, elle a été décrite. Hippocrate, c'est plus compliqué, Véronique Boudon-Milot. Alors sur Galien, c'est Galien qui parle de lui, donc effectivement on a une source tout à fait privilégiée. Pour Hippocrate, c'est beaucoup plus différent. Il y a une question hippocratique d'ailleurs, comme il y a une question homérique, c'est-à-dire le personnage a existé. Assurément, on connaît sa date de naissance, c'est assez curieux, bon, 460 avant Jésus-Christ. On ne sait pas très bien quand il est mort, on sait simplement qu'il est mort à un âge avancé, 80, 90 ans, plus de 100 ans, on ne sait pas très bien. On sait qu'il était issu donc de cette grande famille des Asclépiades de Kos, donc dans une île au large de la Turquie actuelle, et puis il est parti en Thessalie, c'est-à-dire dans le nord de la Grèce, ça on l'apprend en le lisant, puisqu'il a des malades en Thessalie, et en particulier beaucoup de fiches de malades dans les écrits des épidémies concernent des malades vivant en Thessalie. Et puis c'est sans doute là qu'il est mort, il n'est pas retourné dans son île, et voilà l'essentiel de ce que l'on sait, le reste appartient sans doute à la légende. Et sous le nom de cet Hippocrate, on a mis une soixantaine de traités qui forment aujourd'hui le corpus hippocratique, et on ne discute plus tellement aujourd'hui pour savoir ce qui est authentique, pas authentique, mais ça a beaucoup occupé quelqu'un comme Galien, justement, de savoir ce qui pouvait être authentique, pas authentique. En réalité, ces traités sont ceux d'une école, une école hippocratique, et la rédaction de ces traités s'étale entre le 5e, fin du 5e et 4e siècle. Et alors du coup, c'est intéressant parce que évidemment, on va beaucoup plus parler de ce corpus hippocratique qui, pour le coup, est un corpus concret avec la soixantaine de textes que vous décrivez, qui a d'ailleurs manifestement été rédigé par différentes personnes, par différents rédacteurs. Vivien Longhi, qu'est-ce qu'on peut en dire exactement historiquement de ce corpus? De quand date-t-il? Quels sont ces textes? Pourquoi ont-ils été réunis? Et pourquoi les a-t-on attribués in fine à Hippocrate? Oui, alors c'est un corpus en effet très, très hétéroclite, très, très divers malgré des points communs qui ont permis à cette tradition de se constituer. Alors Hippocrate, le grand Hippocrate, hein, pour revenir brièvement sur sa biographie, on a des attestations certaines qu'il était déjà un médecin très célèbre parce qu'il est cité par Platon et Aristote. Donc à peine un peu après, si vous voulez, sa période d'exercice, les philosophes évoque cette figure d'expert médical qui nommé Hippocrate. Alors, et pour ce qui est vraiment du corpus, on a des traités pour lesquels on a des moyens de datation assez précis, assez concrets, et qui forment un groupe de traités qui a été probablement écrit au tournant du 5e et du 4e siècle. Alors, cela présente des traits assez commun, il y a une grande importance des théories climatiques, il y a une grande importance de la notion de crise, il y a énormément d'autres façons de les caractériser, mais vous voyez, il y a des traits doctrinaux communs. Et puis, en revanche, on a des traités qui semblent plus tardifs parce qu'ils nous présentent une conception, un certain type de vocabulaire qui, par contre, ne colle pas, pour ainsi dire, avec la période grecque classique, donc qui est ce tournant du 5e siècle et du 4e siècle. Si je peux, oui, bien sûr, si Véronique Boudon-Milo. Ajouter quelque chose à cette présentation, c'est que l'unité du corpus hippocratique, comme l'a dit Vivien Longhi, c'est une attitude commune face à la médecine, et c'est l'idée qui les unit, c'est d'instituer une médecine rationnelle. C'est le triomphe de la raison sur une attitude religieuse qui avait prévalu jusqu'alors, et c'est l'idée qu'il faut rechercher des causes rationnelles à la maladie et que la maladie n'est pas d'origine divine. Et la plus grande démonstration qui en est faite, c'est dans le traité de la maladie sacrée, et la maladie sacrée, c'était l'épilepsie pour les Grecs, et Hippocrate, en tout cas l'auteur, va montrer que la maladie sacrée, l'épilepsie, pas plus que les autres maladies nées d'origine divine, mais on doit rechercher une cause rationnelle. Donc c'est cette attitude qui est très importante et qui va faire aussi qu'Hippocrate va être ce père de la médecine occidentale à laquelle il a donné une méthode rationnelle. Et la recherche de la causalité, on va y revenir, mais c'est intéressant parce que on décrit effectivement ce corpus hippocratique comme d'une rupture avec la conception divine de la maladie. Pour autant, le serment commence, comme je vous le citais tout à l'heure, par « je jure par Apollon, médecin, par Asclépios, par Hygie et Panacée », qui sont des figures mythologiques pour le moins, Vincent Longhi. Vivien Longhi, pardon. Oui, tout à fait. Alors, il y a cette espèce de contradiction dans le corpus hippocratique. En effet, je souscris complètement à ce qu'a dit Véronique Boudon-Milo. On a une recherche rationnelle des causes qui est affirmée, et puis de façon très spectaculaire et démonstrative, au début de certains traités, Hippocrate écarte d'un revers de main les charlatans qui essayerait d'expliquer les maladies en ayant recours aux puissances divines. Mais en même temps, on a des traces objectives, concrètes, par des inscriptions qui sont conservées, etc., d'une pratique religieuse des médecins grecs, et y compris de la famille des Asclépiades hippocratiques. On a des décrets qui mentionnent la présence d'Hippocrate, ou du moins peut-être d'un de ses fils, à Delphes, temple oraculaire par excellence. Donc on a une sorte de contradiction entre la vie des médecins, qui était sans doute une vie qui baignait dans la religion civique des Grecs, et puis leurs écrits, qui en effet manifestent une tendance assez marquée au rationalisme, à l'explication des maladies par des causes matérielles. Alors, il y a toutefois dans les textes quelques signaux qui nous montrent que peut-être cette contradiction n'en est pas vraiment une. Cette contradiction, je suis en train d'essayer d'exposer, n'en est pas vraiment une. Et ces signaux, eh bien, c'est simplement quand le médecin nous rappelle que sur certains sujets, son art s'arrête et ces sujets relèvent de l'inexplicable, du mystérieux, voire du divin. Hein, on a quelques traités où Hippocrate nous dit, dans les maladies de femmes, par exemple, certaines maladies des femmes ne sont pas explicables et elles touchent au divin. Vous voyez, donc on a certains moments où le médecin, finalement, met un terme lui-même à sa démarche d'explication rationnelle par les causes matérielles. Mmh. Véronique Boudon-Milon, quand on entend recherche de la causalité, en quoi diffère-t-elle précisément de la pratique précédente de la médecine ? Peut-être qu'on peut dire un mot également de ce que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir ces deux écoles concurrentes qui sont celles de l'école hippocratique sur l'île de Kos contre l'autre grande école de médecine qui pratiquait de manière un tantinet différente sur l'île de Cnide. Alors, tout à l'heure, j'ai opposé médecine égyptienne et médecine grecque. À l'intérieur de, je n'ai pas opposé Kos et Cnide, mais à l'intérieur, effectivement, du corpus hippocratique, il y a des traités qu'on attribue plutôt à l'école de Kos, donc la grande famille, la branche de la famille des Asclépiades dont est issu Hippocrate, et puis d'autres traités qui sont attribués à Cnide. Alors, on a quelques écrits de Cnide, mais pas grand-chose, parce que c'est une branche qui s'est éteinte assez vite, et la majorité des traités que nous avons conservés, c'est Kos. Donc, c'est toujours un peu difficile de parler de traités disparus, dont on a des bribes. Mais pour revenir, si vous voulez, parce que l'attitude est la même entre Kos et Cnide, c'est une attitude rationnelle. Mais je crois que Vivien Longhi a raison de dire que ce n'est pas une contradiction qui va s'opérer entre une explication rationnelle et une attitude plus religieuse, disons, mais c'est une complémentarité. Et cette complémentarité, là on est tout à fait d'accord, entre les soins que l'on doit apporter au patient et puis le moment où le médecin doit suspendre son traitement pour dire ça ne relève plus de l'art de la médecine, c'est justement cette attitude très respectueuse du bien-être du patient et de ne jamais lui nuire qui explique que le médecin hippocratique s'arrête à un moment donné, dit ce mal est incurable, il y a des maladies qui relèvent du possible et d'autres maladies de l'impossible, et à partir de ce moment-là, il est légitime quand l'art humain de la médecine a échoué, de recommander, et c'est ce qu'il fait, à son patient d'aller chercher le secours de la médecine des temples. Et c'est cette attitude qui explique, je crois, parce que justement le médecin hippocratique sait donner un périmètre à son art, sait jusqu'où ne pas aller. Si vous voulez, c'est un anti-Bovary, le médecin hippocratique, il sait quelle opération il ne faut pas faire. Et qui fait la grandeur de cet art médical qui a su donc réfléchir en même temps qu'à ses méthodes, à ses buts et à ses tâches. Vivien Longhi, je vous en prie. Pour rebondir sur la question des ancêtres de la médecine hippocratique qui n'en sont pas vraiment, enfin, ce qui est remarquable par exemple, c'est à quel point la médecine hippocratique, à quelques exceptions près, hein, mais rompt avec la pratique d'interprétation des rêves. Alors que dans la médecine traditionnelle grecque des temples, l'interprétation des rêves est fondamentale pour soigner, et dans la médecine babylonienne, la lecture des signes des rêves aussi était probablement très importante. Donc là, et chez Hippocrate, il n'y a qu'un seul traité, et encore à la toute fin du traité, où il est recommandé d'analyser les rêves des patients pour savoir éventuellement quelles peuvent être leurs maladies. Donc vous voyez, sur ce point-là, il y a une réduction considérable de la part d'Hippocrate de la place accordée aux rêves. Mmh. Et ça, c'est intéressant parce que dans les autres médecines traditionnelles et dans les médecines antérieures, sans doute le rêve avait-il beaucoup, beaucoup plus d'importance. Mmh. On va continuer à parler de ces principes hippocratiques de pratique de la médecine. On va voir justement comment ils prennent en compte, on l'a dit déjà une fois, mais on va y revenir, l'environnement du patient, en quoi consiste finalement ce qui s'appelle pas encore le diagnostic, mais la notion de prognose qui est très très importante. Et puis on va reparler de ces liens avec Galien, tout ça dans quelques minutes. Des voiles, des roses sur France Culture à 16h32, toujours en soutien à la scène musicale indépendante à l'initiative de notre réalisateur Olivier Bétard. Nous parlons d'Hippocrate, de son serment, de son corpus et de ce que cette pratique de la médecine a changé ou a initié quant à la pratique de la médecine et à l'histoire de la médecine. Nous en parlons avec Véronique Boudon-Milo qui est directrice de recherche CNRS, philologue spécialiste de l'histoire de la médecine et enseignante à l'école normale supérieure, et Vivien Longhi qui est maître de conférences en grec à l'université de Lille et agrégé de lettres classiques. Alors vous l'avez entendu, on en a parlé. D'ailleurs, je vous ai dit à tort que nous avions consacré une émission entière à Galien. Ce n'est pas vrai. Il a été beaucoup question de Galien dans notre émission consacrée à la médecine arabe, mais nous n'avons pas encore, ce qui ne serait tardé donc, consacré d'émission entière à Galien. Néanmoins, on l'a dit, c'est un autre nom très important qui revient hein, comme cofondateur de l'histoire de la médecine, peut-être moins mythifié, mais tout aussi important néanmoins, et assurant donc le pont entre la médecine que l'on qualifie d'occidentale et la médecine arabe ou la médecine orientale. C'est donc le nom de Galien et c'est à lui que vous vous êtes intéressé pour le reportage du jour. Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Galien est un peu le deuxième pilier de la médecine occidentale, et pour l'anecdote, si les médecins ont le serment d'Hippocrate, les pharmaciens ont le serment de Galien. Alors, qui était Galien et quel rôle a-t-il joué dans la perpétuation de l'œuvre médicale d'Hippocrate? C'est la question que je suis allé poser à Bruno Alioua, qui est dermatologue, historien des sciences, et chargé de cours d'histoire de la médecine à Sorbonne Université. Galien est un médecin grec de l'Antiquité, en fait, qui est né en 129, c'est-à-dire presque 4 siècles après Hippocrate, qui est originaire d'Asie mineure, actuelle Turquie, d'une petite ville qui s'appelle Pergame, mais qui va être connue surtout pour son rôle de médecin dans la Rome antique, à une période majeure de l'Antiquité. On dit classiquement, enfin c'était un auteur du VIe siècle qui a dit « Hippocrate a semé, Galien a cultivé ». Ce qui est très intéressant, c'est que les ouvrages, les traités de Galien constituaient la base pour tout médecin, c'est-à-dire c'était en fait... Vous voulez dire les ouvrages d'Hippocrate, non pas de Galien. Ouvrages d'Hippocrate. Et là, en fait, Galien va essayer d'apporter un raisonnement, et il est très féru d'un raisonnement logique. Hippocrate avait commencé à s'intéresser, et l'avait bien fait, il s'était intéressé à l'anatomie, à la physiologie, et là, en fait, Galien va apporter un grand nombre de précisions. Alors, il va d'abord s'intéresser à l'anatomie d'une façon un petit peu particulière, puisque il débute en fait sa carrière comme médecin de gladiateurs. Ça peut paraître fou, c'est-à-dire on imagine mal le plus grand médecin de l'Antiquité débuter comme médecin de gladiateurs, mais c'est un peu comme si on disait aujourd'hui un médecin commence comme médecin de match de boxe. En fait, à l'occasion des combats de gladiateurs, il peut voir de visu l'intérieur des corps humains après les blessures. Enfin, il voit les dégâts occasionnés par les blessures. Il voit de ses propres yeux un certain nombre d'organes sur les gladiateurs blessés. Et cette découverte des blessures va le conduire, en fait, à réaliser un certain nombre de dissections, non pas sur des êtres humains, mais sur des animaux, en particulier sur les singes. Et là, il y a chez Galien une soif de comprendre les problèmes de physiologie, mais également de physiopathologie. Alors, par exemple, il montre par exemple que lorsqu'on sectionne le nerf récurrent chez un animal, l'animal ne peut plus émettre de son, ce qui montre le rôle du nerf récurrent sur l'organe de la voix. Il commence à comprendre comment réduire des fractures, comment réduire des luxations. Il fait beaucoup d'erreurs parce qu'il utilise un modèle animal, parce qu'il n'y a pas de dissection sur les êtres humains, et donc en fait, et ni sur les cadavres, et donc il va en fait faire un certain nombre d'erreurs que plusieurs siècles plus tard, André Vessal va noter en expliquant qu'on ne peut pas complètement comparer le modèle animal au modèle humain. Comment il a transmis sa connaissance d'Hippocrate et comment il a amélioré finalement cet héritage d'Hippocrate? Alors, en fait, il faut comprendre qu'il bénéficie d'une excellente formation de base. C'est-à-dire qu'il a bénéficié par son père d'une connaissance de la grammaire, de l'écriture, il écrit un certain nombre de petits traités et en fait il s'aperçoit un jour que ces traités sont plagiés par d'autres médecins. Et là, il va en fait, à partir de l'âge de 40 ans, 42 ans, 45 ans, écrire avec l'idée qu'il faudra transmettre son savoir. Je crois qu'il a écrit 240 traités. On restera toujours sur ces deux jambes, enfin, ces deux articulations, deux piliers de la médecine, hein, Hippocrate et Galien. Ça va devenir tellement fort que pendant presque plus de 1000 ans, 1200 ans, en fait, ça va constituer le socle de la médecine occidentale, même si certaines personnes découvrent qu'il y a des erreurs au Moyen-Âge ou même un peu plus tard, et il faudra attendre la Renaissance pour qu'on puisse contredire l'œuvre de ces deux grands hommes. Ils apportent en fait le raisonnement médical, la pratique, la logique, et surtout l'articulation parfaite entre physiologie, anatomie et pathologie. Galien, c'est la continuation, c'est la personne qui va en fait améliorer les travaux d'Hippocrate en s'appuyant à la fois sur la raison, mais également sur l'expérience qu'il appelait en fait les deux jambes. On est à une époque où les thérapeutiques sont limitées et une dose peut être mortelle comme elle peut être curative. Et lui comprend par l'application de l'arithmétique. Ce qui est amusant, c'est que en fait, la plupart de ses œuvres vont être traduites en grec et en arabe. Ça va être lui qui va poser également les jalons de la médecine occidentale, mais surtout de la médecine arabe. La plupart des grands médecins du monde arabe vont en fait s'imprégner de cette médecine de Galien et en fait vont apporter également cette logique et ce raisonnement. Et quand on sait ce que la médecine occidentale doit à la médecine arabe, on peut considérer que les médecins arabes se sont beaucoup plus référés à Galien qu'à Hippocrate. Voilà, Galien contre Hippocrate, les deux piliers de la médecine occidentale, et pas uniquement, hein, puisque comme on l'a entendu, il y a de très fortes passerelles entre la médecine arabe et les écrits de Galien. Peut-être un mot à ce propos, Véronique Boudon-Milot, comment se fait-il que Galien et Hippocrate n'est pas, bien, quand on commence à approcher l'époque moderne, était perçu, compris de la même façon? Pourquoi cette nécessité de revenir à Hippocrate comme pour relégitimer une pratique savante de la médecine? Eh bien, à la mort de Galien, on va disposer, comme cela a été dit dans le reportage, d'un système globalisant, parce que c'est comme cela que l'a voulu Galien, un système, une œuvre immense, où tout aurait été dit, tout aurait été expliqué concernant tous les aspects, toutes les branches de la médecine, anatomie, physiologie, thérapeutique, pharmacologie. Et comment Galien a-t-il construit ce système? C'est en commentant phrase par phrase tous les écrits d'Hippocrate. Galien a consacré une part très importante de son œuvre immense à écrire des commentaires à Hippocrate. Donc quand vous lisiez Galien, vous aviez les phrases d'Hippocrate qui étaient citées, et très souvent les phrases d'Hippocrate ont besoin d'explications parce qu'elles sont sibyllines, parce qu'elles s'adressent à des spécialistes, à des médecins. Et pour bien comprendre Hippocrate, il faut une explication. Galien fait ce travail, il explique Hippocrate et il poursuit, il continue Hippocrate, puisque entre Hippocrate et Galien, 6 siècles les séparent. Et il y a eu bien sûr beaucoup de progrès qui ont été faits. Donc ça n'est pas Hippocrate contre Galien, c'est Hippocrate avec Galien. Et ce couple parfait, Hippocrate-Galien, va pouvoir entrer comme cela dans l'histoire de la médecine, puisque vous avez en main, dans le même volume, les mots d'Hippocrate, le commentaire de Galien, et vous avez une réponse, parce que Galien a construit son œuvre de façon extrêmement méthodique, il nous a laissé des traités où il nous dit dans quel ordre il faut lire ses ouvrages et dans quel but. Et alors, vous avez tout. Vous avez la nécessité de commencer par l'anatomie, de poursuivre par la physiologie, et vous avez un vrai programme d'études, et y compris des traités pour les étudiants. Galien avait écrit un ensemble de traités pour les étudiants. Donc c'est un vrai programme pédagogique d'enseignement d'histoire de la médecine. Viviane Longhi, à propos de ces liens entre Galien et Hippocrate, peut-être qu'on peut dire un mot sur la redécouverte, entre guillemets, ou en tout cas la rescientifisation, et c'est un très vilain mot que je viens d'employer, d'Hippocrate par Littré à la fin du 18e, début du 19e. Tout à fait, et même je vais commencer un tout petit peu avant Littré, parce que la redécouverte d'Hippocrate vraiment s'accomplit définitivement au 18e siècle. Ouais. Avec le courant encyclopédiste. Hein, c'est assez frappant de voir à quel point Hippocrate est central dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. D'ailleurs, Diderot et d'Alembert avaient choisi de recourir à des médecins de l'école de Montpellier et non pas de l'école de Paris, qui était trop typée galéniste, peut-être à son goût. Et donc, avec ces médecins de l'école de Montpellier qui vont écrire beaucoup d'articles, on remet Hippocrate au goût du jour, et principalement, comme je l'ai déjà dit en début d'émission, pour son sens brillant de l'observation. Et face à lui, Galien apparaît peut-être un peu trop philosophe, c'est dit dans certains articles, un peu trop philosophe. Peut-être on lui reproche aussi d'avoir un peu trop systématisé la médecine et d'avoir injecté dans ses connaissances médicales un peu trop de complexité aristotélicienne. Voilà un peu comment parfois Galien est jugé par certains médecins du 18e. Et donc Hippocrate, à l'inverse, apparaît peut-être comme une figure de simplificateur. Alors certes, avec ses obscurités, comme l'a dit ma collègue, mais ses obscurités peuvent apparaître à certains médecins cliniciens comme une façon de suspendre son jugement de façon très habile, très, très juste. Mmh. Voilà. Et alors Littré arrive dans tout ça, donc c'est un peu un héritier d'encyclopédie, Littré à sa manière, puisqu'il reçoit en cours, dans sa faculté de médecine, il reçoit l'enseignement de certains médecins qui ont contribué à l'encyclopédie. Hein. Et donc on a chez Littré cette volonté aussi de revenir à une médecine positive d'observation. Et c'est pour ça qu'Hippocrate lui apparaît vraiment comme le parangon d'une médecine d'observation qui ne se perdrait pas dans des chimères argumentatives, dans des chicanes, etc. Et alors Littré commence sa carrière comme médecin et puis il la finira comme philologue, puisque au fil de son parcours, finalement... Hippocrate, le goût des mots et le goût des langues anciennes va prendre de plus en plus de place. Mais à l'origine, le grand projet de Littré, qui était celui d'éditer tout Hippocrate, était destiné aux étudiants de médecine. À l'origine, Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est certainement cette redécouverte des encyclopédistes d'une part, puis de Littré plus tard, qui remet Hippocrate un peu au centre du jeu de l'héritage de l'histoire de la médecine. Si on revient finalement à ce corpus hippocratique, pourquoi une fascination qui s'exerçait pendant si longtemps ? Peut-être qu'on peut décrire, Véronique Boudon-Milot, cette notion, ce que vient d'évoquer Vivien Longhi, à savoir le retour à l'observation, c'est-à-dire la notion de prognose, donc cette espèce de diagnostic étendu dont vous pouvez peut-être nous parler. Oui, alors j'ai commencé par dire, et je le souligne à nouveau, les médecins hippocratiques sont d'excellents observateurs. Ils n'avaient pas d'instruments, ils ne pouvaient pas regarder à l'intérieur des corps. Donc ils se saisissaient de tout ce qui était apparent pour essayer d'établir donc un pronostic. Et il y a un traité qui s'appelle comme ça dans le corpus hippocratique et un autre pronostic écrit par Galien. Alors, l'idée, il faut faire un tout petit peu de grec. Dans pronostic, le pro veut dire deux choses. Veut dire ce qui s'est passé avant, mais veut dire aussi devant. C'est-à-dire qu'on va dire devant le patient, on va annoncer au patient ce qu'il s'est passé avant le début de la maladie, avant que le médecin soit là. On va expliquer au patient ce dont il souffre et on va lui annoncer ce qu'il va se passer ensuite. Et quand le médecin, qui n'est muni d'aucun diplôme, puisqu'à l'époque, dans l'Antiquité, il n'y a pas de faculté de médecine, je l'ai dit, on apprend dans le cercle familial, quand le médecin, arrivé devant ce patient, a pu bien deviner quels étaient les signes avant-coureurs de la maladie, a pu bien décrire les maux dont souffre le patient, en regardant la couleur de sa peau, en touchant s'il est chaud, s'il est froid, en regardant ce qu'il a mangé, pas mangé, etc. Et ensuite peut lui annoncer comment va évoluer sa maladie. Et dans ces trois étapes, si le médecin a réussi, eh bien, il est ainsi reconnu comme excellent médecin. Sa réputation monte auprès des autres patients Et c'est ainsi qu'on s'impose dans un monde médical qui était un monde extrêmement polémique, où il y avait des controverses terribles entre médecins et où la rhétorique, et pas seulement la médecine, prenait souvent le pas, donc la rhétorique sur la médecine, puisque plusieurs médecins étaient au chevet du malade et il fallait savoir imposer son savoir par rapport à ses autres collègues en faisant preuve donc de cette habileté à établir un pronostic. Vivien Longhi, sur cette prognose, ce pronostic étendu dont vient de parler Véronique Boudon-Milot. Oui, tout à fait. Et c'est si essentiel, l'art du pronostic, pour le médecin, pour asseoir sa place de médecin dans la société. C'est si essentiel qu'un grand traité hippocratique qui s'appelle le traité du pronostic commence en expliquant, je cite de façon inexacte, mais l'art du pronostic est ce qu'il y a de plus important dans la médecine. Ça commence ainsi, et le médecin explique même un peu plus loin qu'il est plus important de faire un bon pronostic même que de pouvoir guérir, parce que de toute façon il y a beaucoup de maladies incurables, et donc au moins en faisant un bon pronostic, on se prémunira d'un certain nombre d'attaques et on sera hors de cause. Donc l'art du pronostic prend tant de place dans l'art médical qu'il en devient presque parfois une fin en soi. Et c'est même un peu ce qui peut être reproché à la médecine ancienne, jusqu'à en venir aux caricatures que pour en faire Molière, vous voyez. Mais la prophétie du terme de la maladie devient parfois plus importante que le soin. Parce que le médecin, en effet, joue toute une part de sa réputation sur un bon pronostic. Et puis les médecins anciens étaient véritablement persuadés que la meilleure arme pour la guérison était la nature. Enfin, en tout cas, Hippocrate en était véritablement persuadé. Et finalement, le cœur de l'art médical, c'était d'arriver à suivre de façon le plus fidèle possible les mouvements de la nature, à les suivre et à les prévoir. Vous voyez ? Et donc finalement, la thérapeutique pouvait, dans certains contextes, passer en second plan face à ce pronostic qui accapare les forces du médecin, vraiment, qui accapare les forces du médecin. Et on le voit, Hippocrate a une ambition holistique pour le pronostic. Il faut, nous dit-il, prendre en compte tous les signes qu'on peut voir. Et ces signes, ça peut aller de la sueur à un bégaiement, au mouvement des mains dans un lit. Enfin, comme l'a dit ma collègue, vraiment, tous les signes doivent être envisagés. Ainsi qu'à l'environnement, le repas, la diète, etc., qui sont évidemment très très importants et facteurs aussi de beaucoup de maladies à cette époque. Ce qui est important, on ne peut pas parler d'Hippocrate, Véronique Boudon-Milot, sans parler de la fameuse théorie des humeurs, qui est presque aussi célèbre que le primum non nocere, et qui là aussi est très importante dans ce que vient de décrire Vivien Longhi, à savoir, eh bien, quand on maîtrise cette théorie des humeurs, on est capable d'établir un pronostic en imaginant, en sachant quelle est l'humeur qui dysfonctionne et qui est à l'origine de la maladie que l'on peut décrire. Oui, alors derrière l'observation, il y a eu une théorie qui s'est mise en place, et autant les médecins, par exemple, qui ont décrit le fameux faciès hippocratique, qui est toujours exactement décrit aujourd'hui par les médecins dans les mêmes termes, donc autant ces médecins étaient des bons observateurs, quand ils sont passés à la théorie, ils ont essayé d'expliquer ce qu'ils avaient constaté, c'est-à-dire qu'il y a des fluides qui s'échappent des corps, le sang bien entendu, mais aussi des liquides plus séreux, du pus, des humeurs. Et donc ils ont mis un système explicatif au-dessus de ce qu'ils avaient observé, et ils ont expliqué que chaque corps était constitué de quatre humeurs, sang, phlegme, bile jaune, bile noire, et que quand l'équilibre était parfait entre ces quatre humeurs, eh bien on avait la santé, et que lorsqu'un déséquilibre intervenait, eh bien c'était le début de la maladie. Et ils ont imaginé cela dans des termes presque agonistiques, puisque le combat entre les humeurs, c'est un combat contre la maladie et un combat contre cette maladie, avec l'alliance absolument nécessaire du médecin et du patient, qui doit aider le médecin, en suivant bien le traitement qui lui a été recommandé, à combattre la maladie. C'est ce qui a été décrit comme un triangle hippocratique, où vous avez la maladie, le malade, le médecin, qui doivent s'unir contre la maladie. Donc voilà, ces humeurs, finalement, c'était pas si mal observé, mais de façon très systématique, ça en devient évidemment pour nous assez étrange, sinon étranger. Vivien Longhi. Oui, et pour rebondir là-dessus, c'est vrai que les humeurs étaient aussi une façon de renoncer à des systèmes d'explication de la maladie monistes, simplistes, simplificateurs, excessivement simplificateurs. Et souvent, les médecins hippocratiques mettent cela en avant. Ils nous montrent à quel point on ne peut pas expliquer la complexité d'un corps, la complexité de la nature humaine avec une seule cause, puisque avant eux, on trouve chez les philosophes qu'on appelle les philosophes présocratiques des explications qui sont parfois exagérément simplificatrices, en tout cas aux yeux des médecins, et qui consistent à penser que les maladies viennent uniquement du chaud, du feu, de l'air, vous voyez. Et de ce point de vue-là, les textes hippocratiques ont le grand mérite d'apporter cette réponse par la théorie des quatre humeurs, qui est donc une réponse par la pluralité. Hein. Le corps change, évolue, tombe malade à cause d'une pluralité de facteurs. Et ça, c'est très intéressant. Il y a un autre principe hippocratique aussi que l'on retient et qui est assez intéressant dans l'exercice et la pratique de la médecine. C'est à côté de ce fameux primum non nocere, c'est le contraria contrarius, c'est-à-dire qu'il faut justement emmener, une fois qu'on a posé cette théorie des humeurs, le corps malade à l'inverse des symptômes qu'il présente une fois qu'on a posé le diagnostic, Véronique Boudin-Milot. Oui, il va falloir essayer de rééquilibrer ce déséquilibre qui est intervenu entre les humeurs. Alors, pour y parvenir, un des grands traitements, c'est si une humeur est en excès, ça va être ce qu'on appelle la pléthore. Ça va être d'évacuer cette humeur en excès. Et si c'est du sang, on pratique la saignée qui était abondamment pratiquée. On saignait les hommes, les femmes, pas quand elles étaient enceintes, et pas les enfants, mais sinon on saignait et on saignait jusqu'à l'évanouissement. Donc ça, c'est un des grands moyens d'éliminer les humeurs. On avait un arsenal de médicaments évacuants, des vomitifs, toute une palette de médicaments pour évacuer ces mauvaises humeurs. Et puis, cette thérapeutique, donc, elle avait pour but, avec les contraires, de rétablir la chaleur, par exemple, en donnant un bain chaud à celui qui était devenu trop froid, d'humidifier celui qui avait un tempérament trop sec, et en adaptant ses boissons, ses aliments, ses exercices, on recommandera à celui qui est trop froid de courir tout habillé, afin de transpirer, enfin... Tout sera là pour essayer de revenir à un équilibre naturel, puisqu'effectivement, la nature, c'est ce vers le rétablissement de l'état naturel, c'est ce vers quoi doit tendre le médecin, en utilisant le contraire de ce qui aura été donc observé chez le patient. Jusqu'à quand cette médecine hippocratique reste-t-elle la norme ? À partir de quel moment commence-t-elle à être remise en cause ? Notamment, on pense à cette fameuse théorie des humeurs qui va durer, qui va se maintenir quasiment jusqu'à l'époque moderne. Vivien Longhi. Oui, alors la théorie des humeurs, elle commence à être mise en cause à la période moderne, hein, globalement, de façon très, très nette, très... très ferme à la fin du XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Et puis, la médecine hippocratique va prendre aussi un coup dans l'aile, si je puis m'exprimer ainsi, après sa renaissance dont j'ai parlé, sa renaissance auprès des encyclopédistes, auprès de Littré, etc., elle va prendre un coup dans l'aile avec l'apparition d'une médecine qui va s'intéresser aux tissus, aux lésions des tissus, et qui donc va chercher une origine de la maladie localisable dans le corps. Et parce que c'est le grand défaut de la médecine hippocratique, c'est que comme elle a des connaissances anatomiques assez rudimentaires, ce n'est pas une médecine de la lésion. Hein, c'est une médecine qui explique la plupart des choses donc par les humeurs, par le fonctionnement global du corps. Et donc au milieu du 19e siècle, à mesure que l'anatomopathologie se met en route, se met en place de façon de plus en plus nette au milieu du 19e siècle, eh bien la médecine hippocratique décline. En plus, Hippocrate ne connaît pas vraiment la notion d'expérience, hein, on n'a pas d'expérience chez Hippocrate, et donc ça aussi, ça lui sera reproché. Parce qu'à partir du moment où la médecine au 19e siècle devient expérimentale, Hippocrate apparaîtra un peu daté. Voilà. Véronique Boudon-Milot, un mot peut-être aussi sur le fait que cette médecine hippocratique, elle va commencer à décliner à partir du moment où la chirurgie va devenir et va réintégrer la médecine, puisque pendant très longtemps, et d'ailleurs ça fait partie du serment d'Hippocrate initial, le médecin, ça n'est pas celui qui ouvre, ça n'est pas celui qui coupe, c'est celui qui observe. Alors oui, effectivement, il y a un adage hippocratique qui dit que ce que les remèdes ne guérissent pas, eh bien le fer quand même, hein, on pouvait cautériser le guérit, ce que le fer ne guérit pas, eh bien c'est le feu qui le guérit, donc voilà les cautères, et puis ce que le feu ne guérit pas, est incurable. Donc effectivement, on s'arrêtait là. Une fois qu'on a eu le fer, le feu, et en commençant par les médicaments... Après avoir eu un peu mal au passage. Voilà. Donc on s'arrêtait là. Et l'actualité de l'héritage hippocratique, il n'est pas effectivement dans ses moyens d'intervention chirurgicaux, encore moins sur le corps humain, mais s'il y a une pérennité de l'héritage hippocratique, il est dans cette éthique médicale et dans cette attention portée au confort du patient, parce que la médecine hippocratique, on l'a peut-être pas assez dit, est une médecine de la douceur. Il ne faut non seulement jamais nuire, mais il ne faut jamais causer une souffrance inutile. Donc ce sont d'excellents principes qui ont eu leurs avantages, si je puis dire, et aussi leurs inconvénients. Mais ça, c'était l'époque qui empêchait de pratiquer, avec des chances de réussite, des gestes trop invasifs. Donc évidemment, Hippocrate est resté par sa dimension éthique, plus évidemment que par le geste technique. Merci beaucoup, ce sera malheureusement le mot de la fin. Je pense que vous vouliez réagir, Julien Longhi, mais on continuera, on poursuivra cette histoire de la médecine qui est passionnante. J'y pense au moment où je vous le dis, mais c'est vrai qu'il y a aussi une histoire de la chirurgie et de voir comment la chirurgie était confiée au barbier et que petit à petit, eh bien, elle est redevenue, elle a réintégré finalement le cercle de la médecine noble, entre guillemets, et aussi une histoire assez passionnante à raconter. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Véronique Boudon-Milo, merci Vivien Longhi d'être venu nous parler de Hippocrate et de ce serment et de cette médecine hippocratique. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Natacha Triou, Céline Lozen, Dominique Gatsin, Vulfran, Antoine Beauchamp, Alexandre Morales, Olivier Bétard à la réalisation, Élise Le à la technique. Demain, ce sera une table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Il sera question, entre autres, des liens complexes entre Covid et enfants. Quelle infectiosité, quelle transmission. On en parlera avec un pédiatre hospitalier, mais il sera aussi question de dinosaures comme maître du monde et du secret des arbres à poison. Ben dis donc, on va en apprendre des choses demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.